Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa. Aujourd'hui le 28 du mois de Al-Muharram de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons la troisième assise d'une série d'assises concernant les comportements des assises de science. L'assise d'aujourd'hui sera la troisième et la dernière, et à partir de la semaine prochaine, inshallah ta'ala, on commencera le commentaire de Al-Usul al-Sitta, les six fondements de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab ibn Sulayman al-Tamimi, rahimahullah ta'ala. Je m'étais arrêté sur la partie qui traitait du comportement de l'étudiant en sciences concernant les notes, le livre, le cahier qu'il devra prendre avec lui pendant ses assises de sciences. Et je m'étais arrêté sur cette parole de l'imam Sha'bi, rahimahullah, comme le rapporte Ibn Abi Khaythama al-Nasa'i dans son livre Al-Ilm, où il disait, Sha'bi, rahimahullah, si tu entends quelque chose, écris-le, même si tu dois l'écrire sur le mur. L'importance d'écrire les informations que tu prends dans l'assise de science à laquelle tu assistes. Et il ne convient pas à l'étudiant en science d'assister au cours sans avoir ces outils d'étudiant en science, qui sont la plume et le cahier, le stylo et le cahier. Plutôt, nous voyons que nos pieux prédécesseurs, comme je l'ai évoqué précédemment, les taches d'encre sur leurs vêtements étaient une chose qui les embellissait, était pour eux un ornement. Comme Al-Khatib al-Baghdadi a rappelé dans son livre Al-Jami', que l'imam Shafi'i, Mohamed ibn Idris, qui est mort en quelle année ? 204. Ahsant, jazakallahu khaira. Donc l'imam Shafi'i, rahimahullah, disait, dans le sens de ces paroles, assister à une assise sans avoir un cahier, sans avoir que ce soit un cahier ou les ahadith que le shir, que l'enseignant va donner ou expliquer pendant le cours, ce qu'on pourrait dire un livre de nos jours, comme par exemple un cours sur les six fondements ou sur le sitta, d'assister au cours sans avoir le livre entre les mains, ou ne serait-ce que d'avoir un cahier où tu prendras les notes, puisque ce qui est venu dans la parole de l'imam Shafi'i, c'est hudurul majlisi biduni nusra. Une nusra ici, c'est-à-dire un exemplaire, que ce soit du livre qui est lu ou alors même ton cahier, puisqu'on trouve dans les paroles de Salaf ridwanallahi alayhim, où il parlait de al-kitab, le livre. Et parfois, ce qu'ils voulaient par Al-Kitab, c'était leur cahier dans lequel ils écrivaient Al-Ahadith, les hadiths qu'ils entendaient pendant le cours. Donc, ils disaient, rahimahullah, le fait d'assister à une assise sans avoir son exemplaire, que ce soit le livre ou même le cahier, ceci est de l'avilissement. C'est-à-dire que l'étudiant en sciences, lorsqu'il viendra un cours de science, il sait que ce cours portera sur, par exemple, le Sahih de l'imam al-Bukhari, ou sur le livre Al-Usul Sitta, ou autre, sans avoir le livre avec lui, ceci est de l'avilissement, il s'est avili lui-même. Et lorsque nous étions dans les jours de talab, d'études de la science auprès des mashayikh, moi ainsi que les autres frères qui étaient avec nous, nous avions honte de nous asseoir devant le shir, devant l'enseignant, devant le shir, devant le savant, pendant le cours, sans avoir notre nusra, notre exemplaire du livre. Ceci était honteux pour nous. C'est pour cela, comme j'ai dit la semaine dernière, que si tu ne l'as pas, il est mieux de s'asseoir dans un coin où le shir ne te verra pas, alors que ce qui est mieux à la base, c'est de t'asseoir le plus près du shir, le plus près de l'enseignant. Mais il sera mieux à ce moment-là pour toi de t'asseoir dans un coin. On avait honte de venir au cours Et on sait, ce n'est pas un cours où nous sommes venus comme cela, pour visiter le shir une fois de temps en temps. Non, c'est un cours où nous avons l'habitude d'assister, mais nous n'avons pas le livre. Comment ça se fait? Et comme je l'ai dit la semaine dernière, une des premières choses que font les étudiants en sciences lorsqu'ils savent qu'il y a un nouveau cours, c'est de demander au shir quel sera l'exemplaire, nous sera l'exemplaire ou la maison d'édition dans laquelle est édité le livre à propos duquel il fera l'explication, afin d'avoir le même exemplaire que lui et de pouvoir suivre de la meilleure des manières. Et aujourd'hui, comme je l'ai rappelé la semaine dernière, nous voyons des étudiants en sciences qui viennent au cours sans leur livre, qui plutôt même sont absorbés par le WhatsApp, etc. pendant le cours. Alors que le cours est en face d'eux, ils n'ont ni le livre, ni le cahier, mais plutôt ils ont le téléphone dans les mains. Et encore, s'ils avaient le téléphone pour noter les bénéfices qu'ils tiraient ou pour suivre le livre, car ils l'ont en format électronique, même si ceci est une chose qui est bien sûr moins bien que d'avoir le livre et le cahier, mais encore s'ils avaient cela, mais non, ils sont sur Internet, ils sont sur telle et telle chose pendant le cours et devant l'enseignant. Abdallah ibn Ahmad, Abdallah le fils de l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, a dit que son père lui a rapporté que l'imam al-Shafi'i, comme vous le savez, l'imam al-Shafi'i était parmi les enseignants de l'imam Ahmad, parmi les chouyur de l'imam Ahmad, a dit al-Shafi'i m'a vu dans une assise alors que j'avais de l'encre sur mon kamis. Et j'essayais de le cacher. J'essayais de cacher cette tache d'encre. Et il m'a dit, ô mon enfant, dans le sens de ses paroles, rahimallah, ô mon enfant, pourquoi essayes-tu de le cacher? Plutôt, l'encre sur le vêtement fait partie des bonnes choses pour l'étudiant en sciences, des bons comportements, des choses qui l'embellissent. Et il est rapporté de Ibn al-Mubarak, l'imam, rahimahullah, qu'il disait, l'encre sur le vêtement est l'ornement des savants. L'encre sur le vêtement est l'ornement des savants. Comme je l'ai évoqué, si vous vous rappelez précédemment, le fait que parmi les bons comportements de l'étudiant en sciences, le fait de venir dans les assises en étant bien habillé, ceci nous l'avons profiter du hadith communément appelé hadith ou Jibril, lorsque Jibril alayhi salam est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam lui poser des questions. Nous avons profité de beaucoup de comportements que doivent avoir l'étudiant en sciences. Parmi ces comportements, le fait qu'il était bien habillé avec des vêtements d'un blanc éclatant, les cheveux d'un noir éclatant, c'est-à-dire qu'il était, on peut dire qu'il était peigné, qu'il avait des cheveux propres, il n'y avait pas de saleté dans ses cheveux et autres. Mais on peut sortir de cela l'encre. L'encre sur les vêtements, comme il est rapporté de Salaf. Car l'encre, tu ne l'as pas sur tes vêtements que parce que tu as utilisé la plume et l'encrier. Et c'est ce qui incombe à l'étudiant en sciences, et ça fait partie des outils dans son étude de la science. Et Yahya ibn Ma'in, l'imam, rahimahullah ta'ala, disait le fait d'afficher l'encrier, afficher l'encrier, montrer l'encrier, que ce soit l'encrier ou les taches d'encre, ceci est une marque de puissance, une marque de force. Et l'imam Abdurrazzaq ibn Hammam al-San'ani, rahimahullah, rapporte de Soufiane al-Thawri, Soufiane ibn Sa'id al-Thawri, rahimahullah, qu'il disait al-Mahbaratu ra'su malin kabir. Dans le sens de ces paroles, l'encrier, c'est un ra'su mal conséquent. C'est un grand ra'su mal. Qu'est-ce que c'est que ra'su mal? C'est ce qu'on pourrait traduire par le capital. On dit, quand tu veux faire du commerce, tu as ra'su mal. Ra'su mal, ce sera ton capital que tu vas employer pour faire du commerce. Comme cela, l'encrier pour l'étudiant en sciences, c'est un rasoumel, c'est un capital grand et conséquent. Donc le capital de l'étudiant en sciences, ce sont ses outils. L'encrier, la plume, le cahier, les livres. C'est pour cela que il est important pour l'étudiant en sciences de rechercher à construire une maktaba, une bibliothèque qui lui sera d'un grand secours pendant ses études, à lui comme pour ceux qui viendront après lui. Et sans aucun doute, le fait de construire une bonne maktaba, une bonne bibliothèque, est quelque chose de très important. Même si aujourd'hui tu n'en profites pas, demain, Inch'Allah, tu en profiteras. Même si toi, tu n'en profites pas, tes enfants, ta descendance en profiteront. Et regardez el-baraka, de la bénédiction qui se trouve dans la science et tout ce qui a attrait à la science, comme par exemple les livres de science et autres. Nous voyons que par exemple, les enfants de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ont profité de ces livres après sa mort. Comment ils ont profité de ces livres ? Même pas par l'apprentissage dans ces livres, sans aucun doute ils en ont profité, l'apprentissage dans ces livres, la lecture dans ces livres, mais plutôt au moment où ils avaient besoin d'argent, ils ont vendu ces livres-là, chose qui n'est pas interdite. Ces livres, ce sont des biens. Tu les as, tu peux en disposer comme tu le souhaites. Si tu veux les vendre, tu les vends. Ils en ont profité en les vendant après la mort de leur père, au moment où ils avaient besoin d'argent. Il avait une grande bibliothèque. Ils en ont profité. Regardez, le baraka, elle est venue à eux au moment où ils ont eu besoin d'argent. Hormis le fait qu'ils ont profité de la lecture dans ces livres, mais même à ce moment-là, ils les ont vendus et ils ont récupéré de l'argent par rapport à ces livres. Donc, ne délaisse pas le fait de te construire une bonne bibliothèque à la maison. Et nous voyons beaucoup de paroles venues de nos salafs, ridwanallahi alayhim, sur l'importance qu'ils donnaient aux livres. Nous voyons que certains d'entre eux, on leur demandait, parmi Abdallah ibn al-Mubarak, l'imam, rahimahullah, on leur demandait: qu'en est-il, je te vois tout seul à la maison? Et il disait: je ne suis pas tout seul à la maison, je suis avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons. Il voulait par cela les livres. Il lit l'ahadith, ce qui est rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons. De même que certains parmi les imams, comme c'est rapporté de l'imam Abu Daoud, rahimahullah, et autres, le fait que quand ils se faisaient faire un qamis, ils faisaient en sorte que l'une de leurs poches, ici, al-jayb, ça pouvait être la poche celle-ci, comme la poche celle-ci, c'est, ou plutôt ceci était appelé al-jayb, ce qu'on appelle aujourd'hui la poche, c'est-à-dire l'endroit où tu passes ta tête, comme ceci était appelé aussi la poche, c'est-à-dire l'endroit où tu passes tes manches. C'est-à-dire, en gros, le jayb, dans la parole de Salaf, ce sont les ouvertures par lesquelles soit tu vas passer ta main pour mettre quelque chose, et ça, c'était peu utilisé, comme la poche et le jayb à l'époque de Salaf, c'est-à-dire ce qu'on dit la poche de nos jours. Plutôt, ce qui était le plus souvent utilisé, c'est cette chose-là, l'endroit où tu passes tes mains, donc les manches, ou l'endroit où tu passes ta tête. Al-Muhim, il est rapporté de lui, comme d'autres que lui, qu'il se faisait, lorsqu'il se faisait coudre un qamis, qu'il faisait que l'une de ses ouvertures soit plus grande. Pourquoi ? Pour pouvoir y mettre un livre. Parfois, on voit qu'ils avaient des grandes ouvertures ici pour pouvoir y glisser un livre. Ils avaient toujours un livre sur eux. L'importance qu'ils donnaient au livre. Ici s'arrêtent les paroles de Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah, et le commentaire que j'y ai ajouté. Je rapporterai juste quelques paroles en plus pour terminer ce cours sur les comportements des assises d'études de sciences. Et ces paroles, je les avais déjà aussi rapportées à l'époque où j'ai écrit cette recherche et où je l'avais soumis à notre cheikh Abu Abdel A'la Khalid Uthman, Hafizahullah. Ici, j'ai rapporté la parole de Al-Hafidh ibn Sunni, Abu Bakr Ahmed ibn Muhammad ibn Ishaq ibn Sunni, qui est mort en 364 de l'Hégire. Il a un livre traitant des comportements de l'étudiant comme de l'enseignant et du comportement à avoir pendant les assises de sciences, qui s'appelle Riyad al-Muta'allimin. Riyad al-Muta'allimin, c'est-à-dire ce qu'on pourrait traduire par les jardins des étudiants. Ce livre a été vérifié, authentifié par Cheikh Abdul Majid Jumu'a al-Jazairi Hafidahullahu Ta'ala. Il dit dans ce livre, Rahimahullah, donc Ibn Sunni, que celui qui apprend l'étudiant s'assied où s'arrête l'assise. On a ici un autre comportement. Comment tu dois t'asseoir dans ton assise? À quel endroit tu dois t'asseoir lors de cette assise de science? Il dit que l'étudiant s'assied là où s'arrête l'assise. Qu'est-ce que ça veut dire? Il rapporte ce hadith qui est rapporté de Jabir ibn Samura, radiallahu anhu, qui a dit, dans le sens de ses paroles, lorsque nous venions au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous nous asseyions, ou l'un d'entre nous s'asseyait, où s'arrêtait l'assise. Quand tu rentres dans la mosquée, tu ne rentres pas et tu passes devant tout le monde pour venir t'asseoir à tel ou tel endroit. Plutôt, tu vois que l'assise est comme cela, tu rentres et tu t'assois à l'endroit où s'arrête l'assise. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens de ses paroles, lorsque quelqu'un d'entre vous s'arrête là où s'arrête l'assise, si il trouve un endroit large où s'asseoir, qu'il s'assied. Sinon, c'est-à-dire lorsqu'il rentre à un endroit où l'assise s'arrête, qu'il trouve un endroit où s'asseoir, un endroit large où il pourra s'asseoir, qu'il s'assied. Sinon, qu'il recherche un endroit plus large pour s'y asseoir et qu'il s'assied à cet endroit. C'est-à-dire que si tu rentres et que la mosquée est pleine, mais que tu trouves qu'il y a un endroit un peu plus en avant où il y a une place pour s'asseoir, il n'y a pas de mal à venir à cette place pour s'asseoir. Mais la base, c'est que tu t'assoies là où s'arrête l'assise. Mais au cas où il n'y a pas de place, eh bien, tu t'assieras à l'endroit où tu le pourras, et même si cet endroit te demande de passer devant certaines autres personnes. Car cet endroit aurait dû être pris par ces personnes-là. Et ce hadith est authentifié par Cheikh Nasser dans As-Silsilatu Sahiha. Al-Hafidh ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, dans son tafsir de la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, « Ya ayyuhalladhina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. » Donc, ce verset de surat Al-Mujadila, où Allah Azzawajal dit, dans le sens de ses paroles, « Ô vous qui avez cru, quand on vous dit « Faites place aux autres dans les assemblées, alors faites place, Allah vous aménagera une place au paradis. » Ici, au paradis, entre parenthèses, dans la traduction approximative du sens des versets. Il dit, Al-Hafid ibn Kathir, dans son tafsir de ce verset, il dit, Allah Azzawajal dit, « En éduquant ses serviteurs croyants, de même qu'en leur ordonnant de se comporter de la meilleure des manières les uns envers les autres, dans les assises. » Il dit, puis il cita le verset que je viens de citer, et il dit que « Al-Majalis », c'est-à-dire les assises, furent rapportées dans une lecture du Coran « Fil Majlis » et non « Fil Majalis »« Fil Majlis » donc dans l'assise. Puis il dit yafsahillah fafsahu yafsahillahu lakum. Donc dans le sens approximatif, alors faites place, Allah vous aménagera une place. Il dit ceci car la récompense, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, la récompense est de la sorte de l'œuvre. La récompense est de la sorte de l'œuvre. Tu fais une bonne œuvre, tu seras récompensé en fonction de cette bonne œuvre. Tu seras récompensé par le bien. Puis il rapporte la parole de Qatada, rahimahullah, qui dit que ce verset fut descendu à propos des assises de rappel. Parmi les assises de rappel, les assises de science. Qatada, rahimahullah, dit ce verset fut descendu à propos des assises de rappel, des assises de science. J'ai terminé cette recherche par un conseil, comme je vous l'ai dit pendant la première assise, à propos de cette recherche et de ces pages que j'ai écrites à l'époque, en explication à cette partie du livre Nuzhat al-Nadhar de l'Hafidh ibn Hajar, au moment où nous l'étudions avec notre cheikh, cette partie qui traite des comportements de l'enseignant et de l'étudiant. Et j'avais évoqué, si vous vous rappelez, que j'avais écrit aussi cette partie en conseil à mes frères parmi les étudiants en sciences, de par le grand nombre de manques de comportement que j'avais pu remarquer tout le long de ces années d'études. Sans aucun doute, le comportement est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui s'apprend, et des manques de comportement, nous en avons tous. Il n'y en a pas un qui est exempt de cela. Il convient donc de l'apprendre et de le réviser et de se conseiller les uns les autres par rapport à cela. Et personne n'est au-dessus de l'autre par rapport au conseil. Et la personne, lorsqu'il lui vient une personne qui a une bonne intention, qui cherche à le conseiller, qui le conseille de la bonne manière et avec les preuves du Coran, de la Sunna, il ne lui reste plus qu'à accepter le conseil et à œuvrer selon ce conseil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le sens de ses paroles, sallallahu alayhi wa sallam, le croyant est le miroir de son frère. Le croyant est le miroir de son frère. L'un d'entre vous voit la brindille qui se trouve dans l'œil de son frère et oublie le tronc qui se trouve dans son propre œil. Dans le sens de ses paroles, sallallahu alayhi wa sallam. Donc par rapport à ces choses que j'avais rapportées comme conseil, nous avons certaines choses qu'il convient à l'étudiant en sciences. Et si, comme je l'ai dit, je le rappelle, toute personne qui fait cette démarche de venir à la mosquée, de venir étudier, qui vient s'asseoir dans des assises de sciences ou des livres de la religion sont étudiés, que la sunna est étudiée, le Coran est étudié, toute personne fait cette démarche d'étudier la science. Et l'étude de la science est de plusieurs niveaux, et les étudiants en sciences sont de plusieurs niveaux. Donc, ne pas penser que si tu n'as pas encore atteint tel niveau, ce que tu fais lorsque tu viens à la mosquée pour assister à un cours, ce n'est pas de l'étude de la science. Ici, tu étudies ta religion. Et comme je l'ai dit précédemment, certains de ces cours, en particulier par exemple le cours du dimanche où nous étudions Al-Aqida ou Al-Manhaj, où nous étudions Al-Aqida, la croyance, et Al-Manhaj, tous ensemble, sans aucun doute que cette étude-là fait partie de l'étude obligatoire de ta religion. Que tu étudies la voie des pieux prédécesseurs, que tu étudies la croyance véridique selon le Coran et la Sunna et la voie des pieux prédécesseurs. Ceci, sans aucun doute, est une obligation qui incombe à tout musulman. Donc ce que tu fais est un apprentissage de la science obligatoire. Donc ici, parmi ces choses qu'il convient à l'étudiant de prendre garde à propos de plusieurs points, ou sur plusieurs points. Le premier, ce qu'on appelle « at-tanammur ». « At-tanammur ». J'en ai déjà parlé précédemment. « At-tanammur », ça vient du terme « an-namir ». C'est quoi « an-namir » en arabe ? Le tigre, « ahsantum ». Le tigre. « At-tanammur ». C'est le fait de se faire passer pour un tigre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce terme-là, tanamour, vous le trouvez dans les livres des gens de science lorsqu'ils parlent des comportements que doit avoir l'étudiant en science. Ils parlent de tanamour bil ilm, le fait de se faire passer pour un tigre avec la science que tu as ou par la science que tu as. Qu'est-ce que ça veut dire? Cheikh Bakr Abou Zayd, dans son livre Al-Hilya, parle de cela et il te met en garde sur le fait d'emprunter le chemin de ce par quoi se consolent ceux qui sont en faillite dans la science. Les gens qui ont peu de science, ils sont en faillite dans la science. Comment se consolent-ils de cette faillite dans la science? Par cette chose-là, at-tanammur. Le fait de se faire passer pour un tigre dans la science. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette personne-là, elle révise un ou deux sujets dans la religion. Elle est chez lui, elle prend un livre, elle révise. Elle potasse un petit peu un ou deux sujets dans la religion. Puis elle vient dans une assise de science. Ou une assise où elle sait qu'il y aura des gens de science, des étudiants, des prédicateurs, ce que tu veux, mais des gens, des imams, des gens que l'on respecte pour leur science. Et elle commence à évoquer ce sujet ou ces deux ou trois sujets qu'elle a révisés à la maison. Elle a peut-être passé toute une journée à réviser un sujet. Comme je l'ai dit dans les assises précédentes, il y a des sujets que l'ulama, par exemple, ne sont pas revenus depuis une vingtaine d'années. Il y a certains sujets où l'alim, il a étudié un sujet à une période de sa vie, puis pendant 20 ans, il n'a pas eu ce besoin de revenir vers ce sujet. Donc, en 20 ans, il n'y a pas de doute que l'alim, comme l'étudiant en sciences, comme autres, ce sont des êtres humains. Ils oublient comme les êtres humains oublient. Donc ce sujet qu'il a étudié ou révisé il y a 20 ans, il n'est plus dans sa tête comme s'il l'avait révisé hier. Cette personne-là, elle vient dans une assise et elle révise un sujet. Et bien souvent, vous trouverez que ce sont des sujets qu'on n'entend pas trop souvent. Ces personnes-là qui pratiquent At-Tanammur, ils révisent un sujet qu'on n'entend pas trop souvent, un sujet qui fait partie. Et ici aussi, on voit que l'ulama, ils mettent en garde contre cela. Al-Gharaib, les choses étranges. Un sujet étrange. Il vient et commence à te parler de certains sujets qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et il rappelle ce sujet et il se fait passer pour un tigre, quelqu'un qui connaît bien, et il évoque tout ce qu'il a pu réviser hier soir ou il y a une heure ou il y a 30 minutes. Alors que le cheikh, l'enseignant, l'imam qui est dans cette assise, lui ça fait 20 ans qu'il ne l'a pas vu. Donc sans aucun doute, il y aura des moments où il ne va pas avoir sa mémoire qui sera éveillée comme celle de celui qui l'a révisé hier. Alors que cette personne qui l'a révisé hier est quelqu'un qui n'est même pas parmi les étudiants en sciences ou parmi les étudiants en sciences al-muflisoun, qui sont en faillite dans la science. Faites bien attention à cela. At-tanammur, donc le fait de se faire passer pour un tigre. Et beaucoup, Allah et beaucoup le font, pratiquent cette chose-là. Beaucoup pratiquent cette chose-là. Et comme je l'ai dit aussi dans l'assise précédente, comme je l'ai rappelé aussi mercredi, il rentre dans cela certaines personnes qui viennent avec un visage qui est faux. C'est-à-dire qu'ils viennent avec le visage de celui qui apprend les choses, qui mémorise très bien. Et il y en a. Et des gens ici, il y en a. Et comme je l'ai dit, leur cheikh dans cela est cette personne, Mohamed Hassan Deddaou, et autre que lui, Mohamed Hassan Deddaou, le Mauritanien et autres que lui, des gens qui ne sont pas sur la voie des gens de la sunna, sans aucun doute, qui ont nombre d'erreurs. Mais les gens de la masse ne connaissent pas ces erreurs, n'ont pas la science déjà pour comprendre ces erreurs, donc il leur faut revenir vers les paroles des gens de science, la réfutation des gens de science par rapport à ces erreurs, et on va y venir par rapport à Al-Ghazali, comme je l'ai évoqué la semaine dernière, on va y revenir à la fin de l'assise d'aujourd'hui, Inch'Allah. Et donc, vois ce qui est apparent de cette personne. Une personne qui porte la sunna et qui, lorsqu'il parle rapidement, avec une certaine éloquence, et lorsqu'il rapporte des preuves, tu as l'impression qu'il les connaît, ces preuves-là, très bien. Il les connaît, il les mémorise très bien. Ils ont des manières de faire, comme le fait de rapporter à la fin de chaque hadith le numéro exact du hadith. Wallahi, ya ikhwa, pour être repassé derrière certains d'entre eux, tu vois que bien souvent quand ils suivent cette voie-là, tu reviens à l'endroit, au livre cité, le Sahih de l'imam al-Bukhari par exemple, et tu trouves que le numéro n'est pas le bon. C'est une manière qu'ils ont de faire, ils viennent avec un visage qui va t'attirer vers eux. Écoutez l'ulama al-Kibar, nos grands savants, al-Fawzan, al-Haydan, Rabi'i, Ubayd, l'ulama al-Kibar, écoutez-les quand ils parlent. Est-ce qu'ils viennent avec des paroles? Ils y mettent une coquille comme cela et ils parlent avec les gens, bien souvent avec les gens de la masse ou des gens qui sont dans le début de l'étude de la science, etc. Ils viennent, ils y mettent une coquille en disant dans tel livre, telle page, tel numéro de... Ceci n'est pas important lorsque tu fais un conseil aux gens de la masse en particulier qui peut-être ces livres-là, ils n'ont jamais entendu parler avant toi. Peut-être une personne qui n'a jamais ouvert le Sahih de l'imam al-Bukhari, il connaît la place de l'imam al-Bukhari. Si tu dis que le hadith est dans le Bukhari, alhamdulillah, il connaît cette place. Il ne l'a peut-être jamais ouvert. Pourquoi tu rajoutes cette coquille-là? Nos ulama al-kibar, lorsqu'ils rapportent et qu'ils font le conseil, ils font ce conseil-là de la manière qui sera bénéfique pour les gens. Et beaucoup des gens de la masse en général ou des étudiants en sciences qui commencent dans l'étude de la science, si tu leur apportes le numéro, etc., ça ne leur apportera rien de plus, sauf le fait que tu sois venu avec un visage, qui est le visage de Al-Hafid, celui qui mémorise bien les choses, et. Faites attention à cela. Ne vous faites pas berner par ces gens-là. Une deuxième chose qu'il conviendra à l'étudiant en sciences d'être sur ses gardes par rapport à elle, et ceci est un conseil vraiment général pour tout le monde, l'exagération dans la plaisanterie. L'imam Abu Hatim ibn Hibban al-Busti, rahimahullah, qui est mort en 354 après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son livre connu, très important, qui s'appelle Rawdatu al-Uqala wa Nuzhatu al-Fudala. Rawdatu al-Uqala, c'est un livre qui est très connu, qui est un livre important pour l'étudiant en sciences comme pour celui qui cherche à avoir des bons comportements, les comportements de l'intelligent, une personne intelligente. Comment doit-il se comporter? Rawdatu al-Uqala. Il dit, rahimahullah, dans le sens de ses paroles, ce qui est important, ce qui est obligatoire, pardon. Il dit ce qui est obligatoire pour la personne douée de raison, la personne douée d'intelligence, c'est qu'il cherche à attirer le cœur des gens vers lui par la bonne plaisanterie et le fait de délaisser at-ta'abbus, c'est-à-dire le renfrognement, avoir toujours une tête renfrognée comme cela, plutôt d'avoir une bonne de plaisanter avec la bonne plaisanterie comme il va l'évoquer ici, d'avoir toujours un visage souriant, un visage accueillant, chose qui se perd en particulier chez les étudiants en sciences de nos jours. Et il dit la plaisanterie est de deux sortes, la plaisanterie louable et la plaisanterie blâmable. Il dit la plaisanterie qui est louable, c'est celle qui n'est pas mélangée avec ce que déteste Allah Azza wa Jal. De même que la plaisanterie qui n'est pas faite avec un péché, ni même avec une rupture des liens de parenté. Pour expliquer rapidement cela, comme la plaisanterie qui est faite avec du mensonge. Quand tu plaisantes et que tu mens dans ta plaisanterie, ceci est interdit. Ce n'est pas une bonne plaisanterie, c'est un grand péché, c'est un grand péché. Tu es tombé dans le mensonge, même si tu souhaitais par cela la plaisanterie. Lorsque tu plaisantes, tu dois dire toujours la vérité. De même que une rupture des liens de parenté. Beaucoup pratiquent la plaisanterie par la moquerie. Tu te moques de ton frère. Parfois, il y a une moquerie qui est légère, une petite moquerie, quelque chose de léger, que la personne ne fait pas attention, à propos de laquelle la personne ne fait pas attention, et prend cette chose comme plaisanterie. Mais à force de se moquer, de plaisanter, en se moquant toujours de tes frères, des gens de ta famille, sans aucun doute, ça va mener à la rupture des liens de parenté, à la rupture des liens avec tes frères. Pourquoi cette personne, à chaque fois qu'il me voit, il plaisante avec moi, mais il y a toujours une moquerie sur mon apparence, sur ma manière de m'habiller, sur ceci, sur ma manière de parler, sur ma manière de marcher. Ce n'est pas une bonne plaisanterie. Et la plaisanterie qui est blâmable, c'est celle qui amène à l'animosité, qui coupe l'amitié et qui fait que la personne qui n'est pas parmi les personnes honorables, parmi les personnes qui sont des personnes basses, de bassesse de comportement, se permettent des choses contre toi par cette plaisanterie. On va y venir. De même que la personne honorable, par exemple une personne honorable par son âge, par sa place dans la société, par sa science, la personne honorable trouve dans son cœur quelque chose contre toi. Rabi'a, le cheikh de l'imam Malik, Rabi'atul Ra'i, disait « Prenez garde à la plaisanterie, car certes la plaisanterie corrompt l'amour qu'il y a entre les gens. » Et Abdullah ibn Hubayr disait qu'il était dit à son époque « Ne plaisante pas. » De cette manière, la plaisanterie blâmable, bien sûr, avec la personne honorable, comme je l'ai évoqué précédemment, qu'est-ce que l'honorable? Car cette personne trouvera dans son cœur quelque chose contre toi. Et ne plaisante pas avec la personne basse, la personne parmi les gens de bassesse, de comportement, car ceci va l'amener lorsque tu présentes avec lui, ceci va l'amener à se permettre des choses contre toi ou avec toi. Et il est rapporté de Muhammad ibn al-Munkadir, rahimahullah, l'imam, qu'il disait, ma mère me disait alors que j'étais petit, ne plaisante pas avec les enfants, car tu vas devenir quelque chose de facile pour eux, ou qu'ils vont se permettre des choses avec toi. C'est pour ça que la plaisanterie doit respecter certains facteurs. Lorsque tu plaisantes toujours avec quelqu'un qui est petit, un petit en âge, tu le plaisantes d'une manière où tu te rabaisses à lui. Le jour où lui va plaisanter avec toi et que tu vas trouver quelque chose dans ton cœur que comment ce petit il me parle comme cela, ou etc., tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. De même que lorsque tu plaisantes avec des gens qui sont des gens parmi les gens des péchés, les gens de la perversion, toujours tu plaisantes avec eux alors que toi, pour eux peut-être tu as une certaine place, ils te voient comme quelqu'un, alhamdoulillah, tu plaisantes avec eux. Demain, s'ils te parlent d'une manière que tu n'agrées pas, il ne faudra t'en prendre qu'à toi-même. Tu dois respecter la place que tu as, tu dois respecter aussi l'image que tu donnes. Et bien souvent, par la plaisanterie avec les gens, cette image tombe. Et cette place que tu as auprès des gens tombe. Les gens ne te respectent plus de la même manière lorsque tu plaisantes trop souvent avec eux. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, dans le sens de ses paroles, prenez garde à l'exagération dans la plaisanterie. Kathrat al-mizah, le fait de trop plaisanter. Car cette chose fait mourir le cœur. L'exagération dans la plaisanterie fait mourir le cœur. Ou il est venu dans le hadith, pardon, kathrat ad-dahik, le fait de trop plaisanter, de trop rigoler. Car cette chose fait mourir le cœur. Prenez garde à cela. En particulier si tu as une certaine image. Il faut que tu te respectes toi-même, ainsi les autres te respecteront. Mais si toi, tu ne te respectes pas, comment veux-tu que les autres te respectent? De même que, prenez garde à cela, le fait de plaisanter avec les gens de l'innovation. Le fait de plaisanter avec les gens de l'innovation. Cette personne peut être quelqu'un avec qui tu as grandi, quelqu'un de qui tu étais proche avant. Mais à partir du moment où cette personne a emprunté une voie qui n'est pas la voie des gens de la sunna, on ne te dit pas. Et ceci en fonction du degré dans lequel il est tombé dans son égarement. On ne te dit pas de, à chaque fois que tu le vois, de l'insulter. Ça, ce n'est pas la voix des gens de la sunna. Chacun en fonction du degré d'égarement dans lequel il est tombé. Mais au moment où tu seras avec lui, comme si cette personne-là n'a pas d'égarement, comme si cette personne-là fait partie des gens de la sunna, il n'y a pas de mal chez lui. Ça, sans aucun doute, tu ne t'es pas respecté. Tu n'as pas respecté ton manhaj, ta voix, la voix que tu empruntes, la voix des prédécesseurs. Cette personne, il faut que tu lui montres, même si tu lui parles de manière douce et correcte, il faut que tu lui montres que vous n'êtes pas sur la même voie, que cette personne-là est quelqu'un qui est tombé dans des égarements, dans l'égarement du tablir, les gens qui s'appellent Jama'at al-Tablir, quelqu'un, tu as grandi avec lui, mais c'est un tabliri aujourd'hui. Tu ne parles pas avec lui comme si, toute ta vie, comme si tu as grandi avec lui, c'est ton ami de longue date, et que cette amitié reste intact après que cette personne a emprunté une des voies de l'égarement. Ça c'est ce qu'on appelle du tamir. Tu as été laxiste dans ton manhaj. Donc faites bien la différence entre ces choses-là. Et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu disait, celui qui plaisante, rigole beaucoup avec les gens, son charisme va s'atténuer. Son charisme va s'atténuer. Et celui qui plaisante, les gens vont le prendre à la légère. Et celui qui a pratiqué abondamment une chose sera connu par cette chose. C'est la parole de Omar dans le sens de ses paroles. Et c'est une parole qui est très connue. Man akthara min shay, urifa bih. Celui qui a pratiqué abondamment une chose sera connu par cette chose. Tu veux qu'on te connaisse comme quoi? Comme un clown. Quelqu'un qui, à chaque fois qu'il parle, des plaisanteries. Malheureusement, beaucoup de frères, aujourd'hui, c'est comme ça. On ne sait pas faire la part des choses dans la plaisanterie blâmable et la plaisanterie louable. Et on exagère trop souvent dans cela. Plaisanterie sur plaisanterie. Et le fait d'exagérer dans la plaisanterie, ça t'amène souvent à la plaisanterie qui est blâmable, à la plaisanterie qui est empreinte de mensonges. Vous le remarquerez. Parfois, tu te rends compte, après avoir plaisanté, que ce que j'ai dit quand même, c'était... Ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité. Tu essayes de te convaincre que ce n'est que de la plaisanterie, mais sans aucun doute, tu es tombé dans le mensonge. Et le mensonge, ça fait partie des grands péchés. Ici, parmi les comportements, et je terminerai par cela, et avant l'Iqama, je parlerai juste d'un autre sujet sur le livre Ihya Ulumuddin, qu'on a évoqué mercredi, Inch'Allah Ta'ala. Ibn Jama'a rapporte dans son livre Tadkiratu Sami'u al-Mutakallim, qui est un livre de base traitant des comportements, des assises de science, des comportements de l'étudiant et des comportements de l'enseignant. Il dit que l'étudiant ne devra pas précéder le shir, l'enseignant, à l'explication d'un sujet ou à la réponse à une question ou autre que cela. Parfois, on trouve qu'une question est posée par quelqu'un dans l'assise et que ce n'est pas l'enseignant qui y répond, mais plutôt quelqu'un. Et il avait tellement envie de répondre, il connaît la réponse, qu'il le précède. Mais la question n'était pas destinée. De même que ce qu'on appelle Al-Musawaka. Al-Musawaka, c'est le fait de lire en même temps que l'enseignant. L'enseignant, ou de parler en même temps que l'enseignant. L'enseignant, par exemple, va évoquer un verset, tu le lis en même temps. On peut entendre 10 voix qui s'élèvent, qui lisent le verset en même temps. Non, on est dans une assise de science. L'enseignant, c'est lui qui parle. Si tu connais le verset, alhamdoulilah. Et prenez garde, bien souvent, il peut toucher la personne, l'ostentation dans cela. La personne qui est là, qui à chaque fois que l'enseignant rapporte un verset ou un hadith, il le lit en même temps que lui. Il fait le musawaka. L'ostentation peut te toucher. Les gens dans l'assise voient cette personne, quand même, il connaît comme l'enseignant, il connaît. De même que de montrer que tu connais le sujet qui est évoqué dans l'assise. Tu le connais à chaque fois que... À chaque fois, pendant tout le cours, tu vois une tête bouger comme cela. À certains moments, alhamdoulilah, tu es pris par l'émotion. Alhamdoulilah. Mais pendant tout le cours, tu bouges ta tête, tu acquiesces, tu connais le sujet. Ça, ce ne sont pas des bons comportements pendant les assises de science. Je terminerai par un point, parce que le temps nous presse un petit peu. Ce qu'on appelle Al-Mu'arada. Al-Mu'arada, c'est un sujet qui est connu chez les gens du hadith, qui est qu'on pourrait appeler aussi Al-Muqabala, qui est de comparer le livre que tu as dans les mains avec le livre du shir, de l'enseignant. Parfois, bien sûr, à l'époque des gens du hadith, le livre que tu as dans les mains, c'est ton cahier dans lequel tu as écrit des ahadiths. Et l'enseignant, le shir, lui, évoque des ahadiths. Et toi, tu compares ces ahadiths que tu as entendus de lui la veille avec ceux qui viennent aujourd'hui. Ou ces ahadiths que tu as entendus d'autres que lui avec ceux qui sont évoqués ici. Et ça, c'est important parce que là-bas, c'est que tu compares ce que tu as dans les mains avec ce que dit l'enseignant. Et pas l'enseignant qui compare avec ce que toi, tu as dans les mains. Parfois, on trouve que le livre qui a été choisi par l'enseignant ou le cahier duquel il lit ses bénéfices qu'il rapporte pendant le cours, toi, tu as un livre aussi et tu vois comme s'il y a une erreur. Mais là-bas, c'est que l'élève arrange ce qu'il y a dans son livre à lui par rapport à ce que l'enseignant dit et non l'inverse. Ce n'est pas l'enseignant d'arranger ce qu'il y a dans son livre par rapport à ce que l'élève a dans le sien. Et on voit aussi un bénéfice que nous retirons de cela dans la parole de Hisham ibn Urwa, que son père lui a dit, donc Urwa, qui était Urwaman ibn Zubayr, Urwa qui disait à son fils Hisham, est-ce que tu as écrit? Tu as écrit pendant le cours, tu as écrit les bénéfices. Il lui dit oui. Et après il lui dit, est-ce que tu as comparé? C'est-à-dire faire une révision sur ce que tu as écrit par rapport à ce qui a été dit par le shir ou faire la révision directement avec l'enseignant. Est-ce que tu as comparé? Il lui a dit non. Et son père de lui dire alors tu n'as pas écrit. Et on voit le bénéfice ici, à une chose que nous pouvons retirer comme bénéfice ici par rapport à l'étudiant en sciences. Celui qui est un étudiant en sciences qui viendra te donner des cours, cette personne-là, si c'est quelqu'un qui s'est assis dans les assises des gens de sciences, pendant tant et tant d'années, mais qu'il n'a pas eu cette proximité avec eux, cette proximité qui a fait qu'il a pu réviser la science qu'il leur a appris et qu'il leur a écrit dans ses livres avec ses enseignants avec qui il a appris. Il n'a pas eu cette proximité-là et pouvoir réviser ces informations qu'il a apprises ou la bonne compréhension de ces informations qu'il a apprises. Il n'a pas pu les réviser parce qu'il n'avait pas cette proximité. Eh bien, cette personne-là, il n'y a pas de doute qu'il y aura plus d'erreurs dans ce qu'il aura appris et écrit que celui qui aura été, à l'inverse de cela, proche des savants et qui aura été avec eux pour réviser la science qu'il aura appris. Ici, vous profitez de cela par rapport aux gens qui vous enseignent, qui vous donnent. Une personne qui t'enseigne, qui a appris, bien souvent, lorsque tu demandes qui est cette personne, c'est quelqu'un qui a appris pendant 10 ans à Médine, par exemple, 10 ans en Égypte. D'accord, le fait qu'il s'est assis pendant 10 ans qu'il a appris, mais chez qui il a appris? Qui le connaît parmi les gens de science? Comment était-il lorsqu'il apprenait? Toutes ces choses-là sont des choses qui nous sont dévoilées par ces comportements qu'on a appris dans ces trois assises de science. Donc une personne qui a été pendant 10 ans aux assises des grands savants, mais il écrivait dans ses cahiers, tout ce qu'il va te rappeler dans ses cours, c'est ce qu'il a appris dans ses cahiers. Jamais il n'a eu cette proximité avec les savants pour réviser la science qu'il a appris, pour valider ses acquis. C'est-à-dire que lui, il a fait l'étude dans les cours, mais qui a validé que ce qu'il a appris, ce qu'il a écrit était bon, que sa compréhension, parce que quand tu écris, tu prends des notes. La note que tu vas prendre, soit tu vas écrire exactement ce que le savant a dit, ou alors tu vas écrire ce que tu as compris du cours. Bien souvent, c'est comme cela pendant un cours. Tu prends des notes, c'est ça la prise de notes. Qui est là pour te valider? Si ton étude de la science était à la venue aux assises de science, t'asseoir, prendre les cours et repartir. Tu n'as jamais eu cette proximité avec les savants, cette révision de la science avec eux, l'assise avec eux, etc. Faites bien attention à cela. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.